Genèse chapitre 25. Or Abraham prit une autre femme, nommée Keturah, qui lui enfanta Zaram, Joksan, Médan, Madian, Jisba et Sua. Et Joksan engendra Séba et Dédan, et les enfants de Dédan furent Assurim, et les Tuzim, et les Humim. Et les enfants de Madian furent Épha, Éphé, Hanok, Abida, Eldar. Tous ceux-là sont enfants de Keturah. Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Mais il fit des présents aux fils de ses concubines, et les envoya loin de son fils Isaac, vers l'Orient, au pays d'Orient, lui étant encore en vie. Et les ans que vécut Abraham furent 175 ans. Et Abraham défaillant mourut dans une heureuse vieillesse, fort âgé, et rassasié de jours, et fut recueilli vers ses peuples. Et Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent en la caverne de Macpéla, au champ d'Éphron, fils de Tsoar, Éthien, qui est vis-à-vis de Mamré, le champ qu'Abraham avait acheté des Éthiens. Là fut enterré Abraham, avec Sarah, sa femme. Or il arriva, après la mort d'Abraham, que Dieu bénisse, à Assé, son fils, et Isaac demeurait près du puits du vivant qui me voit. Ce sont ici les générations d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham, et ce sont ici les noms des enfants d'Ismaël, desquels ils ont été nommés dans leur génération. Le premier-né d'Ismaël fut Nebajot, puis Kedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Adar, Tema, Jetur, Naphi et Kedma. Ce sont là les enfants d'Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon leur village et selon leur château, 12 princes de leur peuple. Et les ans de la vie d'Ismaël furent 137 ans, et il défaillit et mourut, et fut recueilli vers ses peuples. Et ses descendants habitèrent depuis Avila jusqu'à Sur, qui est vis-à-vis de l'Égypte, quand on vient vers la Syrie, et le pays qui était échu à Ismaël, était à la vue de tous ses frères. Or ce sont ici les générations d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Et Isaac était âgé de 40 ans, quand il se maria avec Rebecca, fille de Bethuel, Syrien, de Padan Aram, et sœur de Laban, Syrien. Et Isaac pria instamment l'Éternel au sujet de sa femme, parce qu'elle était stérile, et l'Éternel fut fléchi par ses prières, et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants s'entrepoussaient dans son ventre, et elle dit, « S'il est ainsi, pourquoi suis-je ? » Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples sortiront de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi au moindre. » Et quand son temps d'enfanter fut accompli, voici, il y avait deux jumeaux en son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, et tout velu, comme un manteau de poils, et ils appelèrent son nom Lessa et Tréma. Et ensuite sortit son frère, tenant de sa main le talon de accent aigu Lessa et Tréma, c'est pourquoi il fut appelé Jacob. Or Isaac était âgé de 60 ans quand il naquirent. Depuis, les enfants devinrent grands, et Lessa et Tréma était un habile chasseur, et homme de campagne, mais Jacob était un homme simple, se tenant dans les tentes. Et Isaac aimait Lessa et Tréma, car la venaison était sa viande, mais Rebecca aimait Jacob. Or, comme Jacob puisait du potage, Esaü aigu Esaü Tréma arriva des champs, et il était là. Et Esaü Tréma dit à Jacob, « Donne-moi, je te prie, à manger de ce roux, car je suis là. » C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Jacob lui dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Esaü Tréma répondit, « Voici, je m'en vais mourir, et de quoi me servira le droit d'aînesse ? » Et Jacob dit, « Jure-moi aujourd'hui. » Et il lui jura, ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Esaü Tréma du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but, puis il se leva, et s'en alla, ainsi Esaü Tréma méprisa son droit d'aînesse.